Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Laisse la vengeance à Dieu, mon frère. Laisse la vengeance à Dieu, ma sœur. Il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Tchikenou, le Dieu de justice. Oui, abandonne la colère, abandonne la fureur. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a cherché à te faire du mal, mais le Seigneur lui-même te vengera. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Matthieu 27, 1 à 10. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Matthieu 27, 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils les menèrent et les livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Ainsi, Judas, qui l'avait lié, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant les sang innocents ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés puisque c'est le prix du sang ». Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. La première vérité concerne le processus qui mène à la mort. Sachons discerner qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Ce que nous voyons ici dans l'histoire du complot contre Jésus nous permet de comprendre certaines choses qui se passent dans les camps de l'ennemi. Lorsque l'ennemi veut entraîner quelqu'un à la mort, il y a ces quatre choses qui se déroulent souvent. Premièrement, il tire conseil. Vous voyez, il y a un conseil d'abord qui se fait dans le monde des ténèbres, un conseil de mystique, un conseil de sorcier qui arrête la mort de quelqu'un. Regardez ce qui se passe ici. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus. Je veux parler à quelqu'un. Peut-être que ces derniers temps, tu te sens toujours malade. Tu vas à l'hôpital, mais on n'arrive pas à diagnostiquer de quoi tu souffres. Et tu fais des songes bizarres, tu vois des revenants, des esprits des morts, tu rêves ton père, ta mère qui est déjà décédée. Ça, ce sont des mauvais signes. C'est comme s'il y a une réunion, un conseil qui se fait contre ta vie et tu peux prier pour annuler tous les décrets dans le nom de Jésus-Christ et dire comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles du Seigneur. Vous savez que pour Jésus, sa mort était nécessaire pour le salut de l'humanité. Mais nous n'avons plus besoin de sacrifices humains aujourd'hui parce que Jésus est déjà mort. Deuxième élément, après les conseils, on dit, on les lia. Vous voyez ce que l'ennemi fait? Lorsque on veut t'entraîner à la mort, on te lie d'abord spirituellement. Ce qu'on appelle des liens de la mort. Il est dit, après l'avoir lié. Et troisième étape, on t'amène maintenant quelque part, spirituellement, vous voyez. Il dit, après l'avoir lié, ils les menèrent. Et quatrième étape, ils les livrèrent. Vous voyez la succession des verbes. On tient conseil d'abord, et puis il y a le verbe lier, et puis il y a le verbe éméner, Et puis il y a le verbe livrer. On te livre à un Pilate spirituel. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est chargé d'exécution maintenant. Quand on a déjà siégé dans le monde spirituel, on a décidé la mort, mais il y a un Pilate spirituel qui est chargé d'exécution. Mais toi, tu vas prier pour annuler ce décret-là. Parce que la Bible déclare que Jésus a annulé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Deuxième vérité concerne le poids de la culpabilité. Lorsque tu as péché et que tu demandes pardon au Seigneur, il peut t'arriver que tu ressentes toujours une culpabilité. Tu as demandé pardon au Seigneur, mais une autre voix te dit ce que tu as fait est grave. Dieu ne t'a pas pardonné. Ça s'appelle l'esprit de culpabilité. Pour nous les chrétiens, lorsque tu n'arrives pas à saisir par la foi que Dieu t'a pardonné, cet esprit de culpabilité peut t'entraîner même à la mort, vous voyez ? Comment Judas a mal fini sa vie. La Bible nous dit qu'il s'est repenti. Mais son repentir là n'a pas eu d'effet escompté. Parce que malgré sa repentance, qui ressemblait en réalité à un remords, il est parti se pendre. Je vais demander à une jeune fille, tu as fait des avortements, tu as fait plus de 2 fois les avortements. Et les garçons même qui t'ont enceinté, a refusé de reconnaître la grossesse et tu te sens rejeté et par ta famille et par ces garçons et par tout le monde, ne te fais pas du mal. J'aimerais te dire que malgré ce qui t'est arrivé, le Seigneur t'aime. Tu peux revenir au Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as pas besoin de te suicider. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu as vécu des moments difficiles parce que ça ne va plus. Tu ne peux plus payer tes factures. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Tu m'entends en France, tu m'entends à Londres, tu m'entends à Madrid, tu m'entends à Dubaï. Là où tu es, ne te fais pas du mal parce que tu dis, je n'ai plus rien, je ne peux plus payer des factures. Oh, tu es menacé même de rapatriement. Laisse-moi te dire, confie-toi en Jésus-Christ. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Ne finis pas ta vie comme Judas l'a fait. Ne te suicide pas. Il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour toi. La Bible nous dit que Judas s'est repenti. Verset 3. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les saints innocents. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Quelle mauvaise manière de finir sa vie. Troisième vérité, ne mettons pas dans le trésor sacré de Dieu l'argent sale. C'est ça la leçon que nous voyons ici. Vous voyez, même les sacrificateurs, ceux-là qui ont livré Jésus à la mort, ils étaient conscients qu'il y a l'argent qu'on ne peut pas faire entrer dans la maison du Seigneur, qui est une maison sacrée. C'est-à-dire que l'argent de la trahison de Judas, que Judas lui-même est venu remettre, ils ont refusé ça. Il est dit ici, au verset 6, « Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci devrait nous interpeller, nous surtout les pasteurs, les hommes de Dieu. Tous ceux qui viennent avec les offrandes là, tous ceux qui viennent parfois avec les dîmes. Lorsque tu as connaissance que l'origine de son argent est sale, il ne faut pas prendre ça, il ne faut pas introduire ça. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas besoin de prendre l'argent d'une prostituée. Tu n'as pas besoin d'accepter l'argent qui vient de la drogue si tu connais réellement l'origine. Vous voyez? C'est l'argent sale. Tu n'as pas besoin de prendre l'argent des gens qui font des pratiques sexuelles qui sont prohibées, interdites par la Bible. Parce qu'on te dit qu'on va te donner l'argent. Non! C'est l'argent sale. Vous voyez ici? Tu n'as pas besoin de prendre l'argent du crime. Nous voyons beaucoup de gens qui s'enrichissent. Il y a beaucoup de gens qui ont des villas. Il y a beaucoup de gens qui changent de voiture. Mais vous ne connaissez pas l'origine de leur argent. C'est pourquoi il ne faut envier personne. Mais ici, lorsque Dieu te dit clairement, lorsque tu as conscience, tu as la connaissance que l'argent de ce monsieur, l'argent de cette dame, c'est l'argent sale, ne prends pas.

Oh, nous allons dire merci à ce Dieu qui nous a gardés toute la nuit. Il nous a protégés. Il nous renouvelle sa grâce. Il nous renouvelle sa bonté chaque matin. Élevons nos voix. Je chante ton nom ce matin, je loue ton nom, je magnifie ton nom, je pousse des cris de joie vers le Dieu de mon salut. J'entends des cantiques nouveaux, je fais résonner de mon cœur des psalmodies, des adorations, des Alléluia, des Amen ce matin. Béni sois-tu pour ta parole. Merci parce que par cette parole-là, nous sommes changés. Nous sommes de nouvelles créatures et nous faisons rien que ta volonté par ta parole-là. Merci pour la foi que tu as mise en nous afin que nous soyons des adeptes de Jésus-Christ, marchant par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne voulons point être comme Judas. Nous ne voulons point être des hypocrites. Nous ne voulons point être des méchants. Nous ne voulons point écraser. Nous ne voulons point médire. Nous ne voulons point renier ta foi. Mais nous voulons être des enfants humbles, te confessant chaque jour en tout temps et en tout lieu. Béni sois-tu pour tes merveilles dans notre cœur. Donne-nous de t'adresser des louanges et que chaque jour et chaque instant, comme aujourd'hui, donne-nous de nous dédier à toi. Nous voulons nous laisser agir en nous, car tu es le Dieu vivant. Sois exalté ce matin, sois magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Matthieu 27, 1 à 10. Si cette émission vous fait du bien, vous pouvez nous contacter via notre site ou notre compte Facebook. Nous venons de voir les processus qui mènent à la mort. Quand dans le monde des ténèbres, on veut mener quelqu'un à la mort, il y a d'abord une réunion qui se fait, comme les sacrificateurs se sont réunis. Ils t'interconseillent. Et puis deuxièmement, ils vont lier la personne. Troisièmement, ils vont les mener spirituellement quelque part. Et quatrièmement, ils vont les livrer maintenant à la mort. Tu vas prier. Peut-être que Dieu t'a révélé qu'il y a des gens qui se réunissent contre ta vie dans le monde mystique. Peut-être que Dieu t'a révélé que dans ta famille, il y a des morts bizarres qui se font ces derniers temps parce qu'il y a des gens qui se réunissent, une confrérie de sorcellerie qui se réunissent pour signer les décrets des morts. Tu vas prier pour annuler tous les décrets de mort qu'ils ont fait contre ta vie, contre les membres de ta famille, contre tes parents, contre tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus a déjà été condamné à notre place. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est à toi que je crie. Toi qui es mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève les mains vers ton sanctuaire, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et je te remercie, Père éternel, parce que tu n'es pas sourd. Tu es un Dieu qui a des oreilles qui entend. Père éternel, il y a des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont une bouche qui ne parle pas. Mais toi, tu es mon Dieu, tu es mon soutien, tu es mon libérateur. Par ta main puissante, tu me délivres des hautes eaux. Je prie dans le nom de Jésus. Je déclare que tout complot contre ma vie, tout complot contre ma destinée est voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre de la mort, tout plan satanique tendant à m'éliminer, éliminer ma famille, est voué à l'échec dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tu ne permettras pas qu'on fasse du tort au juste dans son droit. Merci Père éternel, parce que tu me protèges. Tu protèges ma famille. Tu protèges mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment. Tu protèges ma communauté par le sang de ton fils Jésus-Christ. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Merci Père éternel, parce que les liens de la mort ont été vaincus. L'aiguillon de la mort a été vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'ennemi peut nous conduire parfois au suicide à cause des difficultés, à cause du poids de la culpabilité. Il y a des gens qui ont péché, mais lorsqu'ils sont venus demander pardon au Seigneur, ils ont toujours ressenti les remords. Ce fut le cas de Judas Iscariote, le fils de la perdition, dont le repentir n'a pas eu d'effet escompté, mais il s'est pendu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce matin pour que le Seigneur libère tous ceux qui sont animés ou poursuivis par un esprit de suicide. Tous ceux qui ressentent le poids de la culpabilité parce qu'ils ont péché. Ils ont demandé pardon au Seigneur, mais ils sentent comme si Dieu ne les pardonne pas, parce qu'il y a un esprit de culpabilité qui les poursuit. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Bénissons ton nom ce matin. Nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de miséricorde, de compassion. C'est toi qui mets au large. C'est toi qui gracie ce matin. Nous voyons dans l'exemple de Judas, celui-là qui a cru que son péché était tellement grand que Dieu ne pouvait pas lui pardonner cela. Et c'est pour la raison pour laquelle il s'est pendu, il a eu le remords, il ne s'est pas repenti, il n'a pas cherché la faveur de Dieu. Et pour lui, il croyait que tout est fini. Mais ce matin, nous avons encore ces genres de personnes parmi nous et qui pensent que notre Dieu, il a l'épée Damoclès sur nos têtes. Quand nous péchons, c'est fini, Dieu ne peut plus pardonner. Oh, il nous dit dans sa parole, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils vont devenir blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils vont devenir blancs comme la laine. Nous croyons que notre Dieu pardonne toujours. Ce qu'il nous demande, c'est d'aller vers lui, reconnaître notre péché, pleurer devant lui, et par l'action de son esprit, par l'action du sang de l'agneau, sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon. C'est par l'effusion, C'est par le pouvoir du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Oh Dieu Tout-Puissant, par ce sang-là, lave-nous. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous n'avons pas besoin de l'argent sale pour le mettre dans le trésor de l'Éternel. Ici, même les sacrificateurs ont refusé l'argent que Judas a remis parce qu'ils ont dit, ça c'est le prix du sang. Bien-aimés, prions pour qu'aujourd'hui dans nos églises, nous ne puissions pas brader l'œuvre de Dieu. Nous ne puissions pas prendre n'importe quel argent parce qu'on dit qu'on a besoin d'argent. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour nos pasteurs, prions pour nos responsables, afin qu'ils ne se laissent pas entraîner par l'amour de l'argent au point de fermer les yeux pour prendre l'argent sale des gens qui vivent dans l'immoralité, des gens qui vivent dans toutes sortes de péchés. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, ce matin, merci parce que tu es attentif à toutes nos prières. Tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes, tu connais nos vies. Nous avons pleinement besoin de toi. Nous te cherchons. Nous avons besoin de te rencontrer chaque jour. Nous avons besoin de méditer ta parole. Car au travers d'elle, tu nous enseignes, tu nous parles, tu sais encore une fois de plus ce que cette femme qui m'écoute a besoin. Tu connais ses intentions. Merci pour cet homme. Père, dirige-nous en tant que serviteur, en tant que servante, en tant que chrétien, à faire ce qui est convenable, à marcher selon tes préceptes et à gagner de l'argent honnêtement. Sois béni pour l'esprit de discernement que tu donnes à tes enfants. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu nous arraches des œuvres des ténèbres, des œuvres dans lesquelles tu ne te sens pas, tu n'es point. Merci pour ton œuvre qui avance parce que c'est toi qui pourvois à ton œuvre. C'est toi qui suscites des donateurs. C'est toi qui suscites des hommes et des femmes, des familles pour appuyer la radio Fréquence Vie dans son évangélisation, dans l'extension, dans l'expansion de l'évangile, des émissions et de ta parole. Sois béni parce que tu touches quelqu'un et cette personne vient à reconnaissance investir dans ta maison. Au nom de Jésus, tu bénis. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous voulons informer que le bonheur conjugal continue ses rencontres. Tous ces mois d'octobre, nous sommes en train de développer ce thème sur la grâce de Dieu. Ce thème concerne aussi bien les célibataires que les mariés. Tout le monde peut venir. Ce sera au CPE à partir de 16h. Premier service, deuxième service à 18h. L'entrée est libre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.